les grains frémissent au grand air, et le souffle crachote des pygmées endurcis, danseurs de grosses gouttes de pluie. Elle, l'île, lui, en belle machine à paillettes, au large de l'espace interstellaire. Car parmi les sursauts cosmiques, ce sont de magnifiques obus de gaz qui brillent en entourant le noyau d'une étoile en train de mourir.